Dialogue. Le carnaval de Nice. Écoutez. Tu devrais envoyer des photos du carnaval à ta correspondante australienne. Ça l'intéressera, tu crois? Plus que celle de nos vacances. Bien sûr. Les étrangers adorent les manifestations typiquement françaises. Notre carnaval est célèbre dans le monde entier. C'est peut-être le plus célèbre après le carnaval de Rio. Comme tu as pu t'en apercevoir, chaque année, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent. Tu as raison, d'autant plus que cette année, les chars étaient plus originaux que d'habitude. Et surtout, tes photos sont plus réussies que celles de l'année dernière. Répétez. Tu devrais envoyer des photos du carnaval à ta correspondante australienne. Ça l'intéressera, tu crois? Plus que celle de nos vacances. Bien sûr, les étrangers adorent les manifestations typiquement françaises. Notre carnaval est célèbre dans le monde entier. C'est peut-être le plus célèbre après le carnaval de Rio. Comme tu as pu t'en apercevoir, chaque année, il y a de plus en plus d'étrangers qui viennent. Tu as raison, d'autant plus que cette année, les chars étaient plus originaux que d'habitude. Et surtout, tes photos sont plus réussies que celles de l'année dernière.